de murmures et fleurs, l'onde de ton ventre, passe le vent entre tes seins, nos corps y doucement. Notre nudité se fixe, le désir en diagonale, des amants magnifiques jaillit du lit horizontal. Ce besoin d'être à toi, collé contre tes lèvres, ma bouche est dans ta bouche, qu'il est tout être là. Saveur, sueur, salive, tu es parti bientôt, c'est écrit sur ma peau, je te bois, je m'enivre. Ma langue envie de ça, la chaleur se fait profonde, je te découvre, tu me recouvres.